Ouvert en 1927, le musée de l'Orangerie situé dans le jardin des Tuileries à la place de la Concorde à Paris et qui est également rattaché au musée d'Orsay de Paris est un musée de peinture impressionniste et post-impressionniste. 157 œuvres et sculptures offrent donc la possibilité à tous d'aller donc au musée de l'Orangerie. L'œuvre la plus célèbre ici sont les Nymphéas de Claude Monet. C'est donc une série qui regroupe 250 œuvres peinte à l'huile, élaborée par le peintre lui-même pendant les 30 dernières années de sa vie. Beaucoup de lacs et de fleurs y sont représentés ici. D'autres œuvres de l'artiste y sont également représentées sous deux grandes salles ovales. Des autres artistes connus comme Pablo Picasso ou Henri Matisse ont leur œuvre déposée là-bas. Le bâtiment, ouvert en 1927, a donc vécu entre les deux guerres. C'est donc un bâtiment d'époque qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Son architecture reste très ancienne, avec sur l'entrée quatre grosses colonnes qui entourent le musée, la porte, pardon. Le musée est donc fait de pierre et de briques sur une surface de 6 000 m². En 2018, plus d'1 million de personnes ont visité le musée de l'Orangerie et les œuvres présentées.